Un podcast studio dilettant. Bienvenue à la gare centrale des jeux. Les voyageurs à destination de tous les jeux, attention au départ. Si on faisait une petite partie d'échecs, pour gagner, il ne faut pas jouer. Scott, est-ce que t'attends le truc que tu viens de commander? Possible. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu? Oh, c'est super cool! J'ai envie de faire une partie! Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Ludologie, le podcast du jeu sous toutes ses formes. C'est Yuna qui vous parle aujourd'hui et je suis avec Clem. Bonjour Clem. Salut. Pour parler de la culture du background. Alors background, qu'est-ce que ça veut dire et quels sont son mets derrière ce mot? Eh bien c'est tout ce qui va englober ce qui compose un personnage, de sa création et des moyens mis à notre disposition selon les plateformes pour le faire, aux enjeux qu'il soulève, notamment en termes d'ambition ou de rapport genré, en passant par son intérêt tout simplement. C'est un vaste et passionnant sujet. Et pour en parler avec nous, nous avons la non moins passionnante Muriel Algaïres, autrice de jeux de rôle, joueuse, organisatrice et autrice de jeux grandeur nature. Bonjour Muriel. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et je vais te laisser te présenter un petit peu plus en détail si tu le souhaites. Oui, bonjour. Donc je m'appelle Muriel, je suis joueuse et aussi créatrice de jeux. Donc, j'ai commencé en tant qu'autrice de jeux de rôle et maintenant, je suis surtout organisatrice de jeux de rôle en grandeur nature. Et professionnellement, je travaille avec l'apprentissage par le jeu numérique pour lequel je suis actuellement en thèse. Parfait. Alors, avant de commencer dans le vif du sujet, on va faire aussi un petit peu une définition de mots. Là, moi, j'ai parlé directement de background, mais il serait peut-être plus correct, ou en tout cas une autre alternative, de parler de backstory. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la différence entre les deux ? Alors oui, tout à fait. Donc le terme de background, c'est un terme qui est finalement d'usage un peu plus ancien, puisque ça signifie littéralement tout ce qui est derrière. Dans son usage le plus courant aussi, on va parler de background professionnel ou journalistique, donc qui pendant très longtemps a servi à désigner à la fois le contexte de l'univers, de l'histoire et aussi le background du personnage. Mais maintenant, récemment, on a vu apparaître et utiliser de plus en plus souvent le terme de backstory quand on parle spécifiquement du background du personnage, c'est-à-dire de son passé, son histoire et ce qui l'amène au temps zéro dans lequel on va commencer à le jouer, à l'interpréter. Et je pense que ça vient en fait d'une tendance sur laquelle on va probablement revenir, d'utiliser les ressources et les codes de la narratologie, c'est-à-dire l'étude scientifique et analytique des structures narratives, pour l'appliquer aux narrations de jeux. Et en narratologie, on utilise le terme de backstory pour un personnage par opposition à ce qui est la front story, donc qui est la narration et la partie de l'histoire du personnage à laquelle on va s'intéresser. Donc c'est vrai que maintenant, pour des raisons pratiques, on utilise de plus en plus souvent le terme de backstory pour le background du personnage, et le terme de background en général étant plutôt le contexte plus large, c'est-à-dire le monde le contexte historique et ce qui se passe sur à plus grande échelle. Ok, nickel. Ben, comme ça, effectivement, nous, ça nous permet de préciser un peu plus qu'aujourd'hui, on va parler vraiment essentiellement de backstory des personnages. Et on va commencer d'abord par parler de la construction et de la création de cette backstory et des moyens qui sont mis à notre disposition. On va parler d'abord de jeux vidéo, puisque c'est la plateforme qui nous offrira probablement le moins de liberté dans ce domaine. Muriel, toi, quelle est ton expérience côté jeux vidéo dans un premier temps ? Alors en jeu vidéo, je suis uniquement utilisatrice, mais en même temps, en tant que simple joueuse, j'ai vu qu'il y avait des choses assez intéressantes qui se passaient du point de vue du jeu vidéo. Parce que par exemple, quand j'étais jeune, on opposait souvent en jeu vidéo RPG, donc role playing game, donc les jeux vidéo qui se concentrent sur le jeu de rôle. Et donc dans ma jeunesse, comptez les années 90, on opposait beaucoup le JRPG, donc le jeu de rôle japonais, qui en général avait un personnage prédéterminé et donc à cause de ça pouvait davantage construire son histoire parce que développer sa propre histoire, du RPG à l'occidental où le personnage c'était une feuille blanche qui n'avait globalement pas de backstory et dans lequel on pouvait projeter absolument ce qu'on veut. J'ai l'impression que maintenant les limites sont un peu moins floues, sachant que certains jeux vidéo commencent à pousser l'idée de développer leur personnage, mais en étant un peu, on va dire, j'aurais tendance à dire contraint par les limites du médium. Un bon exemple pour ça, par exemple, c'est le jeu Dragon Age Origins, et c'est dans le titre du jeu, donc qui essayait de proposer différentes backstories, mais qui en fait restait très limité, relativement cosmétique, c'est-à-dire ça n'impactait que quelques options de dialogue. Dans un de vos précédents épisodes sur les biais cognitifs, votre interlocutrice parlait d'effet Barnum. Je trouvais que c'était, c'est-à-dire, comme pour les horoscopes, quand on formule quelque chose de manière assez générique pour que tout le monde puisse s'y projeter, ben, parfois les backgrounds de jeux vidéo, c'est un peu cette impression-là que ça donne. C'est quelque chose de suffisamment générique qui donne un peu de coloration, qui permet de se projeter un peu, mais qui n'est pas une pure construction narrative. Et par contre, je trouve qu'un dernier intéressant contre-exemple récent, c'est The Witcher 3, qui pour le compte prend ce parti pris, donc de ne pas donner de choix à la création du personnage, puisque on joue Geralt de Rivia, mais qui utilise ce parti pris pour le compte pour introduire bien plus d'éléments de backstory et en tablant sur le fait que ce soit un jeu basé sur une série de romans, donc il y a toute une backstory justement à exploiter et qu'il a fait avec beaucoup de succès puisque c'est un jeu qui a été un succès quand il est sorti il y a presque 5 ans et qui, là, à la faveur de la diffusion de la série sur Netflix est reparti à la hausse et en n'ayant pas vieilli du tout. Donc ça, c'est une tendance assez intéressante de voir si le jeu vidéo va se donner les moyens d'intégrer davantage de composantes de backstory. Et du coup, moi, mon autre question, c'est que malgré effectivement l'absence de liberté et de possibilité de créer sa backstory, comme tu l'évoquais, à part par quelques choix, alors tu évoquais effectivement... À juste titre, The Witcher 3, où là c'est plus léger, mais où on sent vraiment qu'il y a une volonté narrative ensuite. Il y a aussi tout ce qui est MMORPG, donc les Massive Multiplayer Online Role-Playing Games, donc les plus connus, hein, on connaît World of Warcraft ou The Elder Scrolls Online, où on voit un phénomène en fait qui consiste à voir les joueurs et les joueuses écrire leur backstory alors que ça ne sert absolument pas le gameplay, c'est-à-dire que ça n'a absolument aucun intérêt, ça ne leur rapportera rien, mais ils l'écrivent quand même. Alors selon toi, d'où viennent ces pratiques ? Est-ce que c'est plus pour un souhait d'incarner ou de se sentir plus concerné ? Alors je vais revenir un peu plus sur la motivation, mais ça c'est un très bon exemple qui va me permettre de parler d'une notion qui est assez importante quand on étudie la dynamique du personnage dans le jeu et qui est la notion de narratif émergent qui a été théorisée par beaucoup de personnes, en particulier Jenkins sur la manière dont les jeux sont pas des narratifs à proprement parler, peuvent permettre de construire des narrations et d'avoir également des aspirations narratives. Et le jeu émergent et le jeu, la narration émergente, c'est lorsque justement les joueurs commencent à créer des histoires, à créer de la narration à partir du jeu, mais sans que ce soit codé dans les règles ou dans l'ADN du jeu. Et ça, je trouve que c'est un très bon exemple. C'est-à-dire, le jeu sert de support à développer des histoires, même si elles ne sont pas codées dans le jeu en particulier. Et après, sur les motivations des joueurs à créer ce type de narration, il y a énormément d'aspects là-dessus. Bon, on a tendance en général à parler beaucoup de catharsis. Donc, la catharsis, c'est en littérature le type d'émotion que l'on investit dans une histoire et dans les personnages et que s'engager dans une fiction permet de se libérer justement des tensions accumulées par nos propres émotions. En tant que créatrice de jeu, moi j'y lis aussi parfois une forme d'empathie en fait, qu'en attribuant une backstory, des émotions, des aspirations à un personnage, ça permet aussi de se projeter émotionnellement dedans, en lui donnant finalement une réalité dans le cadre de la fiction qui ne serait pas celle de justement du personnage superficiel à ardoise blanche qu'on aurait habituellement. Après avoir fait un petit tour du jeu vidéo, on va pouvoir passer à des supports qui te sont plus de prédilection, tels que le jeu de rôle et le jeu grandeur nature. Donc, pour rappel, le jeu de rôle va être un jeu de narration partagée. On va plutôt se retrouver autour d'une table, le plus couramment avec une feuille avec les statistiques d'un personnage, ainsi que des lancers de dés pour effectuer des actions plus complexes. Et dans le cas du jeu Grandeur Nature, on va plus incarner son personnage, où on va vraiment se déplacer dans un lieu et vraiment jouer son perso, comme on peut retrouver dans le cas du théâtre d'improvisation. Dans un premier temps, on se demandait par quel procédé on va créer la backstory d'un personnage dans le cas d'une partie de jeu de rôle. En fait, il y a différentes manières par lesquelles approcher. C'est une échelle dépendant de si l'organisateur du jeu, qui est souvent le maître, appelé le maître du jeu, est-ce qu'il propose des éléments de background ou de backstory au personnage, ou est-ce que ces éléments sont entièrement apportés par le joueur. Et en général, la pratique dans le jeu de rôle se trouve un petit peu entre les deux. C'est-à-dire, le maître du jeu va dire, voilà dans quel contexte on joue, voilà le type de personnage que vous pouvez jouer, et ensuite les joueurs vont apporter leur propre création. Ensuite, puisque vous parlez de l'impact des règles et des statistiques, par exemple, ce sont deux approches différentes. Est-ce que, par exemple, on tire les statistiques au dé d'abord, ou est-ce qu'on crée le personnage avec ses statistiques et ensuite on écrit une backstory qui justifie l'existence de ce personnage et qui soit arrivé avec ce type de statistiques spécifiques, ce qui est le cas le plus fréquent, ou est-ce que dans des jeux qui ont une orientation plus narrative, on crée la backstory du personnage d'abord et ensuite on développe les statistiques et les caractéristiques qui seraient logiques pour cette backstory. Je dirais qu'en général, l'objectif, c'est une fois encore d'étoffer le personnage pour qu'il puisse y avoir un investissement émotionnel dans ce qui lui arrive, et aussi pour permettre une plus grande diversité de scènes et d'interactions. Ça, je pense qu'on y reviendra plus tard. Donc je pense qu'en jeu de rôle sur table, l'idéal, c'est d'arriver à une harmonie entre ce que les statistiques vous disent du personnage et ce que sa backstory va expliquer de son passé, ses objectifs et ses aspirations. Et ça, c'est un équilibre très important à trouver, parce que si vous avez une backstory qui est complètement contredite par les statistiques du personnage, vous allez vous trouver avec un personnage injouable et un exemple assez classique de ce qu'on appelle la dissonance ludonarrative, c'est-à-dire quand les règles du jeu et l'histoire que vous racontez ne fonctionnent pas ensemble. Et alors, est-ce que tu penses que tout ce qui est partie un peu statistique, mécanique, lancer de dés, c'est pas aussi parfois un moyen un petit peu plus simple et accessible pour des personnes qui, par exemple, ont une imagination moins fertile ou qui ont moins de facilité à s'investir, en fait, de quand même créer une backstory et avoir un peu des supports plus évidents, quoi? Je dirais que dans tous les cas, surtout en jeu de rôle sur table, il y a des exceptions. Il y a des jeux de rôle sur table plus récents, justement, qui sont appelés des jeux purement narratifs, donc qui cherchent à se dispenser complètement des statistiques. Je pense que le côté statistique et jeu dé a un côté plus accessible parce que il renvoie à des mécaniques qui sont aussi les mécaniques du jeu de plateau, donc des choses auxquelles on est souvent introduite ou confronté dans l'enfance. Tu jettes 2 dés, t'avances du même nombre de points. Il y a un effet action-réaction qui donne tout de suite une idée de ce qu'on veut faire. Et à partir de ces statistiques, ça peut être plus facile de construire quelque chose. Mais je pense que la facilité que donnent les statistiques n'est pas liée directement, purement au côté mécanique de jeu, mais au fait qu'elles vont permettre d'aller chercher plus facilement dans des archétypes. Hein. Donc les archétypes, c'est les grands modèles de personnages qu'on va pouvoir définir en un ou deux mots. Donc un mentor sage, un jeune aventureux, un contrebandier un peu roublard, donc des choses comme ça. Les statistiques vont avoir tendance à très rapidement évoquer ce type de modèle et évoquer des classiques. Et ensuite, dépendant des personnes à qui vous demanderez, il y a aussi beaucoup de controverses sur la bonne ou mauvaise utilisation des archétypes. Mais en ce qui me concerne, je pense que la raison pour laquelle les archétypes existent et se développent en littérature, c'est qu'ils ont justement l'avantage d'être un raccourci émotionnel et intellectuel direct par rapport au type de personnage qu'on imagine et par rapport au type d'histoire que l'on veut rechercher. Et alors toi, en tant qu'autrice de jeux de rôle et maître du jeu, dans tes parties, est-ce que la narration, elle est plutôt portée par les personnages et leur backstory, ou est-ce qu'à l'inverse, c'est plutôt l'intrigue qui prime et les personnages et leur backstory qui s'y plient ? Je dirais, ce genre de choses dépend vraiment des maîtres du jeu. Bon, moi, j'aime beaucoup aussi créer des mondes, des personnages. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à proposer beaucoup de choses à mes joueurs et à injecter beaucoup de choses. Et en même temps, j'essaye toujours de proposer des narrations qui collent à la backstory des personnages que mes joueurs et joueuses ont créés. Parce qu'une fois encore, c'est de cette manière-là qu'on va soutenir leur engagement dans le jeu, leur motivation dans le jeu et idéalement, dans le meilleur des cas, leur engagement émotionnel par rapport au jeu. Et dans mon expérience, les jeux de rôle qui fonctionnent le mieux sont ceux qui arrivent justement à favoriser une co-création du jeu et de la narration par les joueurs et par le meneur du jeu et le bon meneuse de jeu et celui ou celle qui sait rebondir sur la backstory des personnages de ses joueurs pour proposer des narrations intéressantes. C'est une espèce de dialogue et de va-et-vient continu si on veut. Dans ces cas-là, techniquement, tu fais comment pour créer et cet univers et insérer les backstories de tes personnages? Est-ce que les backstories sont faites dans un premier temps, et ensuite tu crées ton univers vis-à-vis d'elle? Est-ce que c'est le contraire? Vous faites comment, finalement, autour de cette table? Ça dépend de quel jeu. Bon, moi, souvent, j'utilise des jeux de rôle publiés, donc qui sont publiés dans des livres qui racontent l'univers du jeu, le contexte, donc qui proposent déjà beaucoup de pistes pour créer des narrations. Et ensuite, intégrer la backstory des joueurs, l'exemple le plus classique, c'est un membre de la famille d'un des personnages ou une de leurs connaissances est le porteur de quête ou le porteur d'action ou la porteuse de conflit. Ça c'est un grand classique qui fonctionne toujours. Ensuite il faut regarder par rapport aux motivations des joueurs. Si un joueur cherche à résoudre une quête ou à progresser, à atteindre un certain statut ou à se venger d'un méfait du passé, on va construire la narration pour aller dans ce sens-là. Par exemple, il y a un jeu de rôle qui fait ça très bien, je trouve. C'est un jeu qui s'appelle Unknown Armies où on joue des personnes capables de faire de la magie, mais dans un monde où la magie n'est pas censée exister. Et en fait, la construction du personnage dans Unknown Armies est basée sur la manière dont le personnage a rencontré la magie pour la première fois et qui est en général un événement traumatique lorsque il découvre que le monde n'est pas véritablement celui qu'on croit. Et cet événement traumatique sert à déterminer des statistiques et des vulnérabilités pour le personnage et également des aspirations pour le personnage, donc qui peuvent être liées à la peur, au courage, à l'isolement. Donc c'est une construction de personnage qui insère délibérément des éléments de backstory. Et toute l'histoire des personnages, à partir du moment où ils découvrent la magie et où ils commencent à apprendre la magie, va être liée aux circonstances dans lesquelles ils se sont découverts des pouvoirs magiques. Et ça fonctionne très très bien. Une autre manière aussi dont on peut co-construire justement la narration du jeu à partir de la backstory des personnages, c'est aussi de la développer progressivement. Très souvent, j'ai fait jouer et j'ai joué des jeux où on commence avec quelques éléments de backstory. Et ensuite, à mesure que l'histoire progresse, on va introduire des éléments supplémentaires de backstory à mesure qu'ils peuvent apporter à la narration, voire même dans certains cas, j'ai vu des MJ faire ça très bien. On peut même jouer des scènes en flashback pour expliquer ce qui se passe. Donc là, c'est vraiment un emprunt à la narration traditionnelle où parfois on va dévier un peu de l'histoire principale pour introduire quelques éléments de backstory via un flashback. Mais une fois encore, c'est vraiment un dialogue permanent entre le meneur de jeu et ses joueurs et joueuses pour arriver à construire cette histoire collectivement. On vient de parler de la création de la backstory dans le cas du jeu de rôle, et on se demandait ce qu'en est-il dans le cas du jeu Grandeur Nature, parce qu'il semble tout de même y avoir de grandes différences entre les deux. Est-ce que tu peux un peu nous en parler ? Alors oui, le jeu Grandeur Nature est quand même une prolongement du jeu de rôle sur table, à exception qu'on joue de manière incarnée, donc en jouant l'action et en costume. Donc il y a un peu un croisement entre certaines pratiques théâtrales et du théâtre d'improvisation et des pratiques du jeu de rôle. Ensuite pour ce qui est du jeu de rôle grandeur nature, là encore il y a des formes qui sont très variables. Alors dans certains jeux de rôle grandeur nature, ça peut être le créateur du jeu, donc l'organisateur ou l'organisatrice, qui écrit l'intégralité du personnage et de la backstory du personnage. Et donc on reçoit le personnage entièrement écrit et on doit l'interpréter au mieux de ses moyens. En France en particulier, on a la sous-scène de grandeur nature qui s'appelle le romanesque, qui est très axé sur des backstories du personnage extrêmement développées, qui revendique en particulier son inspiration littéraire, historique, l'utilisation d'archétypes littéraires, voire même de recréation ou reconstitution d'un cadre littéraire à part entière, et donc avec des personnages qui peuvent être souvent extrêmement détaillés, voire même rédigés dans un certain style littéraire pour se rapprocher au plus près du genre qui est invoqué. Mais en même temps, dans le jeu de rôle grandeur nature, il y a énormément d'approches différentes. Dans certains jeux, ce sont un peu à la manière d'un jeu de rôle sur table, les joueurs, les joueuses qui créent leurs personnages et qui ensuite le font valider par les organisateurs, et également une autre tradition assez importante qui est celle qui vient des pays nordiques, donc qui est celle des jeux de rôle en grandeur nature de type nordique, où là ils vont proposer des concepts de personnages mais très courts, donc ils vont tenir sur une page maximum, et ensuite les joueurs sont invités à développer leur personnage à partir de quelques éléments qu'on leur donne. Et donc là encore, il y a vraiment une notion de travail et de co-construction collective des personnages. Tu parles de co-construction dans le cas des GN nordiques. Tu veux dire par là entre le créateur du jeu et les joueurs, ou aussi les joueurs entre eux qui créent leur personnage ensemble, en créant entre autres des liens entre les personnages? Les deux, oui. Donc entre les organisateurs et les joueurs, mais également très fortement encouragé entre les joueurs eux-mêmes. Là-dessus, c'est vraiment une spécificité française et quelques autres pays d'Europe qui font ça aussi, d'avoir des personnages qui sont intégralement écrits et créés par les organisateurs. Dans de nombreux pays d'Europe et dans les pays nordiques en particulier, on attend et on encourage les joueurs à créer ou développer leurs personnages, et en particulier les relations avec les autres personnages eux-mêmes. On parle beaucoup là de la backstory dans le cas du jeu Grandeur Nature, mais qu'en est-il de la place de l'intrigue? Est-ce qu'elle a quand même une place importante, ou est-ce que c'est plutôt la backstory qui est prônée? Bah, là encore, ça dépend du type de jeu. Hein. J'aurais tendance à dire que beaucoup de jeux fonctionnent en ayant en fait les deux niveaux, c'est-à-dire en ayant une intrigue générale qui va être un peu le fil rouge, qui est souvent en général, puisque bon, il y a des variantes, mais beaucoup de jeux de rôle grandeur nature ont quand même une unité de lieu, puisque on a tous les joueurs dans le même espace au même moment, et souvent également une unité de temps, même si parfois on peut jouer en différents actes, donc avoir des ellipses temporelles entre les différents actes, mais souvent il y a une intrigue globale, ne serait-ce que pour justifier la raison pour laquelle tous ces personnages sont là au même endroit au même moment. Ensuite, sur cette base d'intrigue fil rouge, il peut y avoir des choses plus stratégiques à développer, des enjeux sociaux, politiques. Et ensuite, la backstory du personnage, c'est ce qui va être le niveau plus personnel et individuel en fait. Donc les aspirations personnelles, les objectifs personnels, les conflits, les dilemmes personnels. Là-dessus, je pense que on peut aussi souligner le fait qu'avoir une backstory de personnage, et en particulier une backstory du personnage qui soit bien développée, bien écrite et bien travaillée, ça permet d'étendre les possibilités des types de scènes que vous allez avoir, puisque souvent en jeu de rôle, le type de scène qu'on va avoir tendance à envisager ou à se représenter, c'est ce qu'on va appeler des scènes proactives, c'est-à-dire j'engage une discussion avec quelqu'un, je suis dans une scène d'action, je cherche à résoudre un mystère et je vais aller chercher des indices. Donc on va être toujours dans une idée d'action en direction de quelque chose pour obtenir quelque chose directement. Ça, c'est très largement aussi l'héritage du jeu de rôle sur table, justement, avec des mécaniques, avec des jets de dés. Donc, on est toujours dans des scènes proactives. Mais lorsqu'on veut construire une narration qui soit, là encore, nuancée et développée, il faut qu'on ait aussi ce qu'on appelle des scènes réactives, c'est-à-dire, après un moment d'action, comment est-ce que le personnage vit la scène? Comment est-ce qu'il se représente ses dilemmes? Comment est-ce qu'il vit ses émotions? Et pour avoir ce type de scène, qui pour le compte en narration conventionnelle fait partie des bases des codes de la narration, mais si on veut obtenir aussi ce type de scène dans une narration de jeu, eh bien ça va être nourri par la backstory du personnage. Et donc dans une idée de GN, ben finalement c'est un peu ces éléments là aussi où une intrigue générale va encourager des scènes proactives. La backstory du personnage va encourager des scènes proactives mais qui seront plus du niveau de l'intime, de relations, des relations personnelles. Et ensuite surtout, à mon sens, c'est ça qui fait vraiment la richesse de la backstory et du développement de la backstory, c'est qu'elle permet des scènes de type réactif et donc de vraiment creuser ce qu'est aussi la vie intérieure du personnage. Et alors là, du coup, on parle de création et c'est passionnant et il y a des tas de choses à dire, mais on va également aussi parler des enjeux parce qu'il y en a pas mal. En effet, ce serait plutôt illusoire d'affirmer qu'on est affranchi de construction et de schémas sociaux lorsqu'on joue. D'ailleurs, si c'était le cas, ce serait un peu dommage. Mais c'est d'autant plus vrai quand on parle de création de personnages. Tout d'abord, moi, j'aurais voulu savoir si, selon toi, le fait d'être dans une société, hélas, patriarcale, et donc où la plupart des jeux tournent autour de héros masculins, cisgenres, hétéros, valides et blancs, voilà, ça change un peu, mais on est quand même encore beaucoup là-dedans, est-ce que ça permet aux femmes une plus grande facilité de s'identifier et d'avoir un engagement émotionnel, comme tu le disais, à des personnages très différents d'elles ? Alors, ce sont des sujets très complexes, et en fait, j'ai vu, enfin aussi bien dans le temps que dans l'espace, beaucoup de choses très différentes. Par exemple, un premier temps que j'ai observé, c'est que d'abord, l'existence du jeu de rôle permettait effectivement aux joueuses de s'approprier des codes masculins, justement. Donc, parfois, elles sont jouant directement personnages masculins, soit en jouant des modèles de personnages féminins forts, mais dans un sens un peu réducteur, c'est-à-dire un personnage féminin fort parce qu'elle prend les codes masculins, donc des codes du combat, de l'aventure, de la confrontation. Ce qui reste une dynamique très présente et qui est aussi une dynamique qui est tout à fait acceptable. Dire dans le jeu de rôle, il y a aussi une dimension d'escapisme, de fantaisie, de vouloir être ce qu'on n'est pas, de vouloir être un héros, une héroïne, voire un super-héros, une super-héroïne. Donc ça c'est un premier mécanisme. Ensuite, en particulier en GN, il y a des jeux, voire même de plus en plus de jeux, qui cherchent à questionner justement les représentations, les rapports de genre, et donc qui en particulier encouragent le développement de personnages féminins qui s'affranchissent de ces codes, mais sans forcément trouver leur force dans l'émulation des codes virilistes, de ce qu'est la force et la domination dans un schéma patriarcal, voire même des jeux qui mettent en scène des matriarcats, donc qui cherchent en renversant l'ordre des stéréotypes de genre à questionner justement ce que sont nos représentations et l'aspect éminemment social du genre et l'existence du genre comme construction sociale. Et puis ensuite, si on parle de représentation de genre en jeu de rôle, il faut aussi parler de la manière dont pour beaucoup de joueurs et de joueuses, le jeu de rôle donne aussi l'opportunité d'expérimenter vis-à-vis de son propre genre et a pu aussi être vécu comme une expérience véritablement transformative par des personnes non binaires, par des personnes trans qui justement en jouant sur un autre genre et sur un code de genre, ben finalement se sont aussi parfois découverts à eux-mêmes et à elles-mêmes, ce qui est à mon sens un très beau témoignage justement de la capacité transformative du jeu de rôle et de l'exploration des personnages. Un gros sujet sur lequel on pourrait faire une émission d'ailleurs. Exactement, on le refera peut-être plus tard. Du coup, pour l'instant, on va partir sur autre chose. On a pu constater, lors de la préparation de cette émission, qu'on pouvait constater deux grandes tendances de joueurs. Certains vont avoir une attente plutôt ludique, où ils vont s'éloigner de la backstory ou l'utiliser au mieux pour réussir à gagner le jeu, que ce soit lors de jeux de rôle pour réussir les quêtes, ou encore dans le cas d'un huis clos ou d'un jeu d'enquête pour absolument trouver qui est le tueur. Et d'un autre côté, on va avoir l'attente plutôt narrative, où ici, les joueurs vont plutôt chercher vraiment à incarner au mieux leur personnage et à vivre l'histoire. Comment est-ce qu'on fait pour coexister ces deux profils lors d'une partie, que ce soit sur table ou en jeu grandeur nature? Alors, c'est compliqué. Donc, ces tensions entre les différents styles de jeu, ça, c'est une problématique récurrente. Comme c'est une problématique récurrente et comme c'est un sujet souvent objet de controverse, jamais personne ne sera d'accord. Donc, en tout cas, je vais dire quelle est ma position à ce niveau-là, mais c'est vraiment très personnel. Donc, naturellement, sur des sujets comme ça, c'est obligatoire donc de placer qu'il y a ce qu'on appelle la théorie GNS. Hein. Donc, en anglais, c'est gamiste, narrativiste, simulationniste. Donc, c'est une théorie développée par Ron Edwards et dans laquelle il y a ces trois types de jeux. Donc, gamiste qui est effectivement le jouer pour gagner, le jouer pour l'action. Le narrativiste qui est joué justement pour l'histoire, pour la narration. Et simulationniste qui est joué pour la découverte de l'environnement et le fait de vivre une simulation. Et avec un peu l'idée et le conflit que ces trois manières de jouer sont pas totalement irréconciliables, mais effectivement au bout d'un moment vont finir par rentrer en dissonance les unes avec les autres. Pourquoi un bon exemple de ça par exemple, c'est une technique qui pour le compte est très populaire chez les jeux nordiques, qui est ce qu'on appelle le play to lose, donc qui est littéralement jouer pour perdre. Dans le sens où ce qui est cette idée que si c'est intéressant narrativement et si ça va faire une belle histoire et un grand moment dramatique, c'est plus intéressant que votre personnage échoue, voire même que votre personnage meure à la fin, si ça permet de raconter une belle histoire avec une fin tragique. Alors que dans une approche gamiste, puisque le but c'est de gagner, ça ne fonctionnera pas du tout avec ça. Un autre exemple qui montre un peu parfois de quelle manière ces approches peuvent heurter, c'est souvent la question du secret en jeu. Quand le personnage a un secret honteux, a fait quelque chose d'inavouable et cherche à ne pas se faire découvrir. Dans une approche gamiste, on gagne le jeu si véritablement on n'est pas découvert. Dans une approche narrativiste, bien évidemment qu'à un moment il faudra que le secret honteux soit découvert, parce que sinon il n'y a pas de conflit, et que s'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas d'histoire. Mais tout n'est pas perdu, dans le sens où il est quand même possible d'avoir dans un même espace des joueurs ayant des préférences différentes. Mais à un moment ou à un autre, là pour le compte, on va repasser au niveau organisation et création du jeu, ça va être à l'organisateur, à l'organisatrice ou au meneur du jeu, à la meneuse du jeu, de dire quelle va être la priorité. C'est-à-dire de dire voilà pourquoi nous sommes là. Quel est l'objectif du jeu? Est-ce que l'objectif c'est de résoudre tel ou tel conflit, de résoudre tel ou tel mystère, ou est-ce que l'objectif c'est de créer une histoire ensemble? Et en créant une histoire, il peut y avoir des moments où on cherche à ce que notre personnage s'en sorte. Donc c'est à ce titre-là que c'est pas forcément incompatible. Mais effectivement, pour avoir un jeu et une pratique de jeu qui s'harmonisent, c'est très important au niveau de la communication de l'organisation de dire clairement à un moment quelle va être la priorité donnée au jeu. Parce que sinon effectivement, on va avoir des pratiques de jeu qui vont entrer en dissonance, et ce qui en général finit par frustrer tout le monde, parce que pour qu'un jeu de rôle fonctionne, il faut qu'il y ait quand même une certaine harmonisation, ou au moins une convergence de la pratique qui est observée entre tous les joueurs. Tu viens de parler de secrets et on se posait d'ailleurs une question là-dessus. Il arrive parfois que nos personnages aient des secrets. Quelle est la meilleure manière de les gérer dans le cadre secret dans une backstory? Est-ce qu'il est plutôt préférable de révéler aux autres joueurs en début de jeu, avant de lancer la partie, les secrets d'un personnage, ou plutôt de les garder secrets pour créer un effet de surprise? Ça dépend. comme toujours, on peut faire les deux. Alors, la gestion du secret connu ou pas, en création de jeu, c'est ce qu'on appelle la transparence. Donc, quand on joue en transparence, c'est tous les secrets des personnages sont connus des joueurs. Et quand on ne joue pas en transparence, eh bien, on peut garder ses propres secrets. Et ça, en fait, c'est un gradient. Donc, on peut jouer en complet secret et on peut jouer en complète transparence. Et c'est vraiment une question de préférence. Alors, une fois encore, si vous allez chez les Nordiques, en très grande majorité là-bas, c'est transparence absolue. Voire même, vous avez des joueurs qui vont se rendre malades si jamais le jeu n'est pas en transparence complète. Hein, ça les stresse beaucoup. À l'inverse, dans d'autres cultures de jeu, en France beaucoup, en Espagne un peu moins, en République tchèque beaucoup aussi, ce sont des espaces qui préfèrent le jeu avec des secrets. En ce qui me concerne à titre personnel comme créatrice, moi j'aime bien une approche qui est un peu à mi-chemin. C'est-à-dire, je trouve préférable que soit en transparence les éléments qui permettent de cadrer l'expérience de jeu, donc qui vont être des éléments d'intrigue. Par exemple, si on joue une tragédie et que tout le monde est censé mourir à la fin, je préfère le savoir par avance parce que comme ça, je pourrais construire la trajectoire globale du personnage. Même chose si on a un objectif central qui va être essentiel pour la trame du jeu, c'est ce qui va m'importer aussi. En revanche, je considère que les éléments qui sont de l'ordre de la pure backstory du personnage, c'est-à-dire qui vont avoir un impact uniquement pour des scènes personnelles, des scènes intimes, des dilemmes personnels, et pas un impact sur la grande trame du jeu qui va impacter tous les joueurs. Je pense que ce n'est pas forcément nécessaire de les jouer en transparence et que ça peut même être intéressant si la découverte du secret par le personnage se fait en même temps que la découverte par le joueur. Parce qu'à ce moment-là, dans certains cas, ça peut permettre d'avoir une réaction émotionnelle un peu spontanée en ayant une découverte de quelque chose qu'on ne savait pas avant et qui parfois impose de reconsidérer tout ce qu'on savait avant. Ça, pour moi, je trouve que c'est l'une des choses qui est très puissante dans une backstory bien développée, c'est qu'on peut commencer à jouer en ayant tel ou tel a priori sur un personnage, surtout si un personnage est basé sur un certain archétype, on va se dire, ah d'accord, c'est tel archétype de personnage. Et ensuite, tout d'un coup, on découvre un secret ou une information sur ce personnage qu'on n'avait pas avant, et c'est une forme de subversion un peu de l'archétype qui fait que ah bah tiens, je m'attendais à ce que ce soit un personnage A et finalement c'est un personnage A plus W et d'un coup je vais être mis sur mes gardes parce que ça va être ah bah tiens finalement peut-être que mes attentes et mes a priori sur ce personnage il va falloir que je les revisite. Donc ça peut créer des formes de tension intéressantes. Mais ce sont des choses qui peuvent être restées secrètes parce que c'est vraiment ça fonctionne vraiment à un micro niveau. Donc même si le secret n'est pas révélé ou s'il est révélé au mauvais moment, ça ne va pas mettre en péril l'équilibre de l'ensemble du jeu. En revanche, les informations de trame générale, de ce que cherche à être le jeu, de ce vers quoi on va, de narration globale, pour des raisons aussi bien de fluidité de jeu que de sécurité parfois, parce que à mon sens aussi, si on aborde des thèmes sensibles et des choses difficiles dans le jeu, c'est très important de le communiquer aux joueurs avant, pour qu'ils puissent s'engager en toute connaissance de cause. Et donc pour moi, ça fait partie des choses qu'il est préférable de traiter en transparence. Et ben c'est parfait, ça m'amène à une autre question. Quand tu parles de thèmes sensibles, mais aussi de la question du secret et des effets de surprise, on peut parfois se retrouver en tant que personnage à découvrir un secret qui peut nous mettre très mal à l'aise. Et j'en viens ici à la notion de consentement des joueurs et des personnages qu'ils peuvent être amenés à jouer ou avec qui ils sont amenés à jouer. Quelle solution peut-on utiliser pour s'assurer que tout le monde vive la meilleure expérience et qu'il n'ait pas à souffrir de situations qui peuvent les embarrasser ou les mettre mal à l'aise ? Alors, ça, c'est un sujet très difficile. Alors, d'abord, je vais dire qu'une fois encore, il n'y a pas de solution idéale parce que sinon, on l'utiliserait tous et toutes. Et c'est aussi un sujet qui est très largement controversé. Donc, là-dessus, ma position à moi est plutôt de lorgner vers la sécurité émotionnelle des participantes et des participants et d'appliquer un principe de précaution. Ce qui n'est pas de l'avis de tous les créateurs de jeux avec qui je parle. Il y en a beaucoup qui aiment bien avoir un effet de surprise et pouvoir introduire n'importe quelle chose à n'importe quel moment dans le jeu, y compris des choses violentes et potentiellement choquantes. Et en ce qui me concerne, c'est une approche que je rejette parce que je considère que vouloir avoir un effet de surprise choc, ça va durer 5 secondes, ça sera pas forcément narrativement pertinent, et ensuite effectivement ça peut être blessant pour certains joueurs. Et en réponse à la question de savoir est-ce qu'on peut jouer quelque chose de vraiment intense comme ça en transparence, je vais citer l'analogie de la bombe d'Hitchcock. À quel moment est-ce qu'elle va exploser ? Voire même, est-ce qu'elle va exploser du tout ? Donc, ça crée davantage de tension. Et pour moi, les secrets et les thématiques difficiles en GN, c'est du même ordre, parce que on peut être en transparence averti qu'il va y avoir tel type de sujet difficile, tel type de scène difficile. Tel type de sujet problématique ou de risque de confrontation, mais on ne sait pas à quel moment ça va arriver. On ne sait pas de quelle manière. On ne sait pas à quel état mental on sera à ce moment-là et comment le personnage va réagir. Donc, même si on sait que tel ou tel sujet, menace, problème va arriver, il y a suffisamment d'incertitudes pour qu'il y ait une réponse émotionnelle quand même et qu'en plus, il y ait un moyen de construire de la tension par rapport à ça. Donc, penser que l'absence de surprise face à une révélation choc enlève tout l'intérêt narratif, moi, c'est quelque chose contre lequel je m'inscris totalement en faux. Et en plus de surcroît, eh bien, il y a effectivement la notion de consentement éclairé des participants. Et dès lors qu'on commence à toucher à des thèmes sensibles, c'est à mon sens indispensable de le communiquer avant l'inscription, avant l'engagement de la participation du joueur, de préciser quels sont les thèmes potentiellement sensibles sur lesquels on joue, pour que les joueurs et les joueuses soient avertis et puissent s'inscrire en connaissance de cause. Et j'appartiens et je défends aussi une éthique du jeu dans laquelle non seulement il faut prévenir les joueurs et les joueuses à l'avance, ce qui veut dire effectivement renoncer à certains effets de surprise, mais bon, dont j'argumente qu'ils ne sont finalement narrativement pas si pertinents que ça, et c'est donner également les moyens aux participants d'interrompre une scène dans laquelle ils seraient mal à l'aise, voire même de quitter le jeu temporairement ou complètement, si finalement les thèmes abordés ou le traitement abordé devenaient trop difficiles pour eux, parce que sans consentement plein, entier et révocable des participantes et des participants, on n'est plus dans l'engagement libre d'une co-construction narrative. On est dans des pratiques qui peuvent devenir dommageables et qui n'est en tout cas pas le type d'approche du jeu que je défends à titre personnel. Pour rester sur ce sujet, tu disais tout à l'heure que tu pratiquais beaucoup le jeu grandeur nature romanesque, et tu disais aussi qu'il y a un système de casting et que les personnages sont écrits précédemment par l'auteur du jeu et sont distribués aux joueurs. Dans ces cas-là, comment fait-on pour leur donner un personnage qui puisse leur correspondre et que la question du consentement soit prise en compte ? Alors, la distribution du personnage dans les jeux romanesques ou même dans les jeux avec un contenu préécrit avant, ça c'est toujours quelque chose de très compliqué. Souvent la base, c'est que les les joueurs et joueuses, quand ils les inscrivent, vont avoir un questionnaire à remplir. Donc, en disant les préférences de jeu, les choses qu'ils veulent pas du tout jouer, c'est souvent là que sont communiquées les thématiques sensibles qui peuvent être abordées. Donc pour dire aux joueurs de clairement signaler s'ils ne veulent pas jouer tel ou tel type de jeu. Après c'est une méthode qui a ses limites parce que malheureusement des erreurs sont toujours possibles. Hein, moi je communique beaucoup sur la sécurité des participants dans le jeu, donc c'est vrai que assez régulièrement j'ai des échos de j'avais demandé à ne absolument pas jouer tel ou tel tabou et je me suis retrouvée avec ce type de personnage quand même, ou voire même une organisation bonne foi mais qui oublie de signaler un sujet potentiellement sensible parce que c'est pas quelque chose qui les touche eux personnellement. Donc ce sont souvent des choses compliquées. Et puis ensuite, au niveau des participantes et de participants, en général, il y a deux approches. Il y a le casting type, c'est-à-dire très souvent de dire quel type de personnage vous aimez bien jouer. Donc on va souvent avoir des joueurs qui demandent un ou plusieurs archétypes de personnages dans lesquels ils sont à l'aise et donc ils savent que ça va leur donner une bonne expérience de jeu. Alors après, le risque, c'est qu'on peut se retrouver à être un peu enfermé dans un certain type de personnage, surtout que dans le jeu de rôle en grandeur nature, ça peut vite devenir un très petit milieu. Donc si on a déjà vu telle ou telle personne jouer avec beaucoup de conviction et avec beaucoup de motivation, avec beaucoup de cœur, tel ou tel personnage, ils vont se retrouver à avoir les mêmes types de personnages sur plusieurs jeux d'affilée. Et à l'inverse, il y a le contre-type, c'est-à-dire que parfois lorsqu'on va tenter d'encourager un joueur ou une joueuse à prendre un type de personnage qu'il n'aurait pas habituellement. Alors souvent ça se fait par dialogue personnel, c'est on envoie un message, on appelle le participant ou la participante pour dire voilà le rôle que j'ai en tête pour toi, est-ce que tu te sens capable de le faire. Mais de manière générale, le casting et la distribution des personnages préécrits, c'est souvent un arbitrage complexe entre ce qu'on sait de l'ensemble des personnages et de la trame générale du scénario pour trouver un bon compromis entre ce que le joueur a envie de jouer, ce qui va vraiment lui donner le personnage qui va lui donner la meilleure expérience de jeu possible, même si c'est quelque chose qu'il ou elle ne demande pas a priori, et en même temps un personnage qui ne touche pas aux éventuels sujets qu'il ou elle ne veut pas jouer. Donc c'est souvent très compliqué, c'est souvent beaucoup de travail, mais en même temps c'est un peu pour les jeux qui ont des contenus préécrits, c'est un peu le prix à payer pour réussir à avoir ces espèces de grands narratifs qui s'étendent sur plusieurs dizaines de personnages avec des histoires croisées et des backstories qui se répondent les unes aux autres. Donc ça fait partie du travail d'organisation, et malheureusement il n'y a pas de solution parfaite pour ça, parce qu'une fois encore, sinon on n'aurait plus de débat là-dessus et on utiliserait tous la même. On y arrivera peut-être progressivement. Sur un sujet un peu différent, du coup, avec la recherche que l'on peut parfois faire dans le cadre de la conception d'une backstory et d'un background aussi, on parlait un petit peu de tout ce que ça peut engager, d'écrire, etc. Penses-tu que finalement, il peut être considéré l'écriture d'une backstory comme un outil didactique historique et in extenso ? Est-ce qu'on peut dire que écrire, c'est déjà commencer à jouer ? Non, c'est une jolie citation. Moi, je serais assez d'accord avec ça aussi. Là-dessus, pour le compte, quelque chose qui répondrait assez bien à ça, c'est le modèle narratif qui est proposé par Espen Harset. Qui en cherchant à établir un modèle justement qui puisse permettre de comprendre la narration des jeux et les narrations conventionnelles, suggère l'idée qu'en fait une narration quelle qu'elle soit sur un jeu, sur un médium de fiction, c'est le fait de mettre en action et en interaction le monde, les objets, les agents, donc les personnages et les événements. Et que le, et que le, La conjonction de ces quatre éléments, en fait, permet de commencer à construire la narration. Et effectivement, pour les jeux, on pourrait dire à base historique, mais il y aurait d'autres exemples qui imposent ou encouragent d'aller chercher et développer des connaissances précises pour écrire la backstory du personnage. Bah, ça fait partie de cet élément, parce que si pour construire la backstory du personnage, on a besoin d'aller chercher des informations sur le monde, sur l'histoire, construire les événements du passé, bah, ça fait partie de la narration, absolument. Et dans certains cas, ça peut même avoir une visée éducative. Mais alors, du coup, par conséquent, il y a un autre souci qui se pose, c'est une question de forme de sentiment d'illégitimité ou de complexe sur ses propres connaissances. Il y a parfois des jeux qui sont très denses en information et en culture. Tu parlais notamment du grandeur nature romanesque. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque de laisser certains et certaines de côté dans ces cas-là? Je dirais, en fait, malheureusement, n'importe quelle forme de jeu va être aussi porteur de certaines exclusions. Même s'il y a énormément de travail qui est fait pour que les jeux soient de plus en plus inclusifs, en particulier en termes d'accommodation des besoins des joueurs et des joueuses, le fait de choisir un design de jeu va être potentiellement excluant pour certains joueurs et certaines joueuses, et ça c'est quelque chose dont il faut avoir conscience. Par exemple, au-delà des connaissances historiques, même le fait d'avoir, on a toujours ça, mais le fait par exemple d'avoir parfois des fiches de personnages, donc des backstories de personnages qui soient écrits sur des textes très longs, bah, des personnes qui pourraient ne serait-ce qu'avoir des problèmes à lire et à retenir des informations longues, sans même avoir à les chercher elles-mêmes, bah, ça peut être potentiellement excluant pour elles. Par exemple, moi, je sais que certains jeux ont commencé à proposer des versions audio de la backstory du personnage, justement pour essayer de résoudre ce problème-là. Donc, au-delà, malheureusement, de cette considération qu'il faut prendre en compte, et à mon sens, n'importe quel créateur et designer de jeu doit réfléchir à ce que sont ces choix de design et au type d'exclusion qu'ils vont porter, et est-ce qu'il est possible de les résoudre ou non, et si c'est pas le cas, communiquer clairement là-dessus. Mais au-delà, donc d'une part, les créateurs de jeux peuvent faire des efforts pour rendre les choses plus accessibles. Dans le cas du romanesque, par exemple, très souvent, il y a quand même une communication sur le fait que très souvent ces jeux sont d'inspiration historique. On ne demande absolument pas d'avoir fait des études d'histoire pour ça. Très souvent, les organisateurs fournissent des documents et aussi synthétiques que possible sur le contexte historique pour que en quelques pages, les participantes et les participants puissent savoir quelles sont les connaissances dont ils vont avoir besoin. Je dirais aussi que à l'ère de l'information digitale, on a justement davantage de moyens pour ça, parce que bah, si au-delà des 3 pages que vous donne l'organisation, vous voulez ou vous avez besoin de chercher plus d'informations, bah, Internet est là pour ça. Et donc, j'aurais tendance à dire sur le simple point de vue des connaissances, on a quand même des outils pour rendre cet aspect-là plus accessible. Après, parfois aussi, c'est parfois du côté des joueurs dont il faut calmer les ardeurs. En jeu de rôle grandeur nature, on a la question du costume, par exemple. Je m'éloigne un peu de la backstory, mais maintenant il y a des efforts conscients qui sont faits par certains joueurs pour insister sur le fait qu'un jeu de rôle en grandeur nature, ce n'est pas une reconstitution, donc de ne pas se mettre une pression considérable sur le costume, et également y compris les joueurs qui font ça, parce que souvent il y a certains joueurs qui peuvent chercher à être beaucoup plus exigeants que même les organisateurs ne le seraient eux-mêmes. Là-dedans, il y a des choses aussi qui sont de l'ordre de la posture, qui sont de l'ordre de vouloir mettre en avant son propre capital intellectuel ou financier. Et donc ça, ce sont des choses aussi à surveiller et à canaliser pour éviter de rendre les choses encore pires et encore plus difficiles qu'elles ne peuvent déjà l'être. Je voulais juste revenir sur tes propres pratiques, hein, se centrer un petit peu plus sur toi. Et est-ce que tu aurais des conseils ou des anecdotes personnelles à donner euh, pour dans le cas de la conception d'une backstory, notamment peut-être pour des personnes qui veulent se lancer dans la création de backstory, que ce soit pour du jeu de rôle ou du jeu grandeur nature, et qui vont avoir une imagination peut-être moins fertile ou qui ont du mal à se lancer, voire qui voient ça comme une corvée. Alors, la première recommandation que j'ai, c'est un peu plus général, c'est la règle du fusil de Tchekhov appliquée au jeu de rôle. C'est-à-dire, pour ceux qui connaîtraient pas la notion du fusil de Tchekhov, c'est si vous mettez un fusil sur scène au premier acte d'une pièce, il faut qu'il serve à tirer sur quelque chose ou quelqu'un au troisième acte. Appliqué au jeu de rôle, ça veut dire tous vos éléments de backstory. Il y a des exceptions, mais bon, la règle, c'est tous vos éléments de backstory doivent avoir une utilité concrète en jeu. Parce que contrairement à la fiction, on peut avoir beaucoup d'éléments de backstory qui sont juste là pour informer l'action, mais qu'on n'a pas besoin de savoir. En jeu de rôle, il vaut mieux être pratique parce que on a nos propres limitations en termes d'assimilation, de connaissances ou d'assimilation de la fiction. Et donc, si on s'encombre l'esprit de plein de choses qui ne vont pas servir en jeu, ça rend les choses plus compliquées. Ensuite, le second point, personnellement, quand je travaille sur la backstory, j'ai deux axes principaux, c'est la motivation et les relations. Parce que en jeu de rôle, c'est vraiment ça qui sert déjà très largement de moteur. Et ensuite, éventuellement, on arrive sur les émotions. Donc déjà, la motivation, pour moi, c'est la base. C'est quel est le personnage et pourquoi il est là et qu'est-ce qu'il va chercher à accomplir. Alors dans certains jeux qui peuvent être très tranches de vie, ça peut être juste passer un bon moment avec mes amis ou renouer avec ma famille. Il y a des jeux qui peuvent être comme ça, très basse intensité. Mais souvent, dans la plupart des jeux, c'est intéressant s'il y a vraiment un conflit, quelque chose à obtenir, quelque chose à résoudre, ou une aspiration globale. Plus c'est lié au cadre du jeu, mieux c'est. Quand je crée des jeux personnellement, c'est toujours une ligne que je garde en tête. Quel est le personnage et pourquoi il est là. Et voilà. Et idéalement d'avoir comme ça un début d'arc. Ensuite des relations avec les autres, parce que en jeu de rôle, une fois encore, on est dans des scènes qui sont souvent proactives, et donc les relations personnelles, c'est ce qui va pousser la narration. Ou s'il y a des moments où vous êtes un peu ralenti sur la narration, c'est ça qui va aussi vous donner quelque chose à quoi vous raccrocher. Si vous êtes en jeu de rôle sur table, en général, c'est plus facile parce que vous êtes dans un espace relativement fermé. Et donc, vous allez avoir une motivation à ce que les personnages soient ensemble et dans le même endroit, même s'ils ne se connaissaient pas forcément avant. Donc, c'est l'archétype de la troupe d'aventuriers dans une taverne. Mais bon, ça peut être toutes sortes de raisons pour lesquelles on va avoir ce groupe de personnages spécifiquement qui va être ensemble. En jeu de rôle grandeur nature, c'est plus compliqué parce que si on sort des petits formats, on va pouvoir se retrouver dans des cadres avec 60, 80, voire plus de 100 personnes. On peut pas avoir des relations avec tout le monde. Donc là, ce qui va être important, c'est de développer des relations qui vont avoir une signification particulière pour votre personnage. L'axe principal, c'est d'avoir des relations amicales. Avoir au moins un ou deux personnages avec qui vous êtes amis. Et donc, votre backstory, ça va être comment vous vous êtes rencontrés, pourquoi vous êtes amis et qu'est-ce qui vous lie. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'encourage. En plus, il y a énormément de très belles histoires à raconter autour des amitiés et des tensions et des amitiés contrariées. Donc ça, ça marche très bien. Ensuite, très souvent, les relations familiales. Et puis du mélodrame dans les familles, c'est jamais ce qui manque. Donc et puis les relations familiales, elles vont jamais disparaître. Donc vous pouvez toujours avoir quelque chose à créer par rapport à ça. Donc construire sa famille, quelle est votre place dans la famille, quelles sont vos relations avec les gens de votre famille, qu'il y ait certaines relations qui soient bien, qui fonctionnent bien, certaines relations qui fonctionnent mal. Ça en plus, on peut très facilement s'identifier, s'y projeter, parce que on a tous et toutes des membres de la famille avec qui on s'entend bien, d'autres qui sont problématiques. Donc ça fonctionne bien. Ensuite, ça mériterait presque un sujet à part entière, mais il y a la question romance, donc relation sentimentale amoureuse. Ça, c'est moins systématique parce que ça peut être plus délicat à jouer pour certaines personnes, mais en tout cas pour les gens qui aiment jouer ça aussi, ça peut permettre de créer euh, de créer énormément de conflits. Et puis ensuite, il y a la question des émotions du personnage. Alors, jouer sur l'émotionnalité, c'est absolument pas quelque chose d'obligatoire si on cherche à faire du jeu de rôle et à faire de la narration. Mais naturellement, ça peut être intéressant. Donc, si on a la motivation de développer la backstory jusque-là, ça peut être aussi quel est l'état émotionnel du personnage au moment où on commence à le jouer. Est-ce que son état émotionnel va changer? Et ensuite, qu'est-ce qui, dans son passé, peut expliquer cet état émotionnel, et donc va souvent être un bon élément moteur pour commencer à construire la narration, puisque ça peut être l'incident qui fait que, au lieu d'avoir une vie absolument normale et bien, le personnage va pouvoir commencer à explorer, à rentrer en confrontation, à chercher à accomplir quelque chose. Et donc c'est aussi une bonne question à se poser. Quel va être l'élément perturbateur qui va nous permettre de commencer à construire cette histoire là. Et alors du coup, on arrive progressivement un peu vers la fin, donc je me permets une question un petit peu plus large, mais en quoi ton expérience de joueuse a influencé ton passage à l'écriture? Est-ce que c'est par frustration de pas pouvoir écrire plus que ta backstory? Ou est-ce que c'était pour pouvoir changer des choses qui ne te convenaient pas dans les jeux de rôle auxquels tu jouais jusque-là? Bonne question. Je pense... Alors j'aimais bien l'idée du challenge d'écriture, en fait, parce que dans le type de jeu que je fais, donc qui est très centré sur les personnages et dans lesquels en tant que créatrice de jeu j'écris la plus grosse partie des personnages, ça me forçait à adopter différents points de vue et à créer différentes backstories que je ne voudrais pas forcément jouer moi-même en tant que joueuse, parce que j'ai aussi mes propres préférences et mes propres atavismes, mais que je pouvais créer en tant que personnage. Et ça, pour moi, c'était aussi quelque chose de très intéressant, d'avoir cette création de jeu qui est un peu chorale, hein, donc de créer 20, 30, 40 personnages différents avec des backstories qui s'entrecroisent et avec des regards et des vécus différents, et qui ensuite, une fois qu'ils sont en jeu, finissent par créer quelque chose de collectif. Et ça, dans l'écriture de jeux de rôle et dans la manière dont le jeu de rôle en grandeur nature est joué comme une espèce de forme de théâtre expérientiel, et bien là il y avait quelque chose de très intéressant pour moi. Et à la base, c'était plus que j'avais beaucoup aimé jouer certaines histoires, et j'avais envie un peu de contribuer au discours et de créer ma propre narration, parce que j'avais plein d'histoires que j'avais envie de raconter. Maintenant, je continue à essayer de me pousser à travers l'écriture des personnages dans des choses que j'aurais pas forcément explorées avant. Donc d'essayer toujours d'adopter un autre point de vue, de me mettre dans les chaussures et dans le regard d'un autre personnage, le temps de l'écrire, et de me poser des questions sur ce qui fait une expérience humaine, ce qui va créer une opinion et un vécu différent de la mienne, ce qui est les très nombreuses choses qui sont de l'ordre de la construction sociale et qui finalement pourraient être complètement différentes dans d'autres circonstances. Donc créer la backstory d'un personnage, ou de 10 ou de 20, ou pour moi c'est toujours une leçon d'empathie, une leçon d'apprentissage des très nombreuses facettes de l'humanité. Eh bien Muriel, on a une dernière question pour toi. Pour rappel pour nos auditeurs et nos auditrices, cette question est la même pour toutes et tous nos invités, quel que soit le sujet de l'émission de la saison. Ainsi Muriel, quelle leçon de vie as-tu apprise par le jeu? De ne pas me fier à mes propres impressions et d'essayer toujours de prendre du recul sur ce qui me paraît évident, en particulier quand une situation ou une personne élicite en moi des réactions très émotionnelles, me rappeler que ça vient peut-être aussi du fait qu'ils ont des narrations différentes de la mienne, et d'essayer une fois encore de me mettre à leur place au moins deux secondes. Après, ça ne veut pas dire qu'on sera d'accord à la fin, mais ça permet de relativiser. Eh bien, merci à toi, Muriel, pour ce chouette échange. Merci beaucoup. Et on va finir cette émission en espérant, chères auditrices et auditeurs, que cela vous aura donné envie de donner vie à de futurs personnages et pourquoi pas à vous lancer dans la belle aventure qu'est le jeu de rôle et le jeu grandeur nature. Si vous avez la moindre question, commentaire ou réaction, n'hésitez pas à nous les envoyer sur les réseaux sociaux, que ce soit sur le Facebook ou le Twitter de l'émission. Et si ça vous a plu, vous pouvez aussi partager notre émission sur ces mêmes réseaux. Vous pouvez aussi nous soutenir sur le Tipeee de Studio Dilettante, la structure qui accompagne Ludologie, pour nous permettre de faire des émissions de plus en plus qualitatives avec encore tout plein d'invités incroyables. On se dit à dans 15 jours et d'ici là, jouez bien, jouez beaucoup, en tout cas, jouez tant que vous pouvez. Pour soutenir ce podcast et l'asso qui le porte, rendez-vous sur tipeee.com/studio-dilettante.